Salut Charline. Aujourd'hui, c'est jour 2, manif. Ça va, on t'entend bien, ça va. Alors, j'ai décidé qu'en solidarité avec les camarades, on allait nous aussi défiler. Moi, je fais de la rétention d'eau. Non, non, nous aussi, on va faire une manifestation tournante. Ah, moi, je préfère les tournantes aux manifestations éventuellement. Ah, mais c'est élégant ça. Ah, bah sinon, on peut faire les deux. D'abord une manif et puis après une tournante. Silence. Nous allons défiler dans la maison de la radio. Du coup, on n'a pas le choix là. Pas le choix de quoi. De faire une boucle. La maison est ronde. Oui, c'est Cazeneuve qui t'a proposé le chemin. Ah, pas du tout. Personne ne me dit que le chemin, moi. Allez, hop, c'est parti. Ok. Je peux rester ici, moi c'est par rapport à mes chiens. Ah non, c'est tout le monde ou c'est personne. Ah bah non, bah alors là c'est tout le monde. Alors. Ou c'est personne. Bah, très bien, c'est tout le monde. Non, mais on part dans quel sens? C'est important le sens. Oui, bah alors on part par la gauche, comme ça on arrivera par la droite. Un peu comme le gouvernement. Ouais, ouais. Bah, sinon on fait statique. Oui, statique. On a le droit de circuler. Oui, il y a des gens qui se sont battus. Il y a des gens qui sont morts. Oui, qui sont morts. À mon avis, ça va être le cas. Oui, bah voilà. Non, mais je suis très déçue là. Mais on a encore aucun thème pour l'émission. L'émission elle va être super, de toute façon, c'est Ibrahim Malouf. Ouais, il va tous nous prendre pour des trompettes, Ibrahim. Oh, moi, ça me dérangerait pas. Voilà. Oui, non, rien. On manifeste, c'est parti. Et on n'a pas de slogan. Laissez-moi faire. El Khomri, Hollande, Valse, Macron, arrêtez de nous faire tourner en rond. Bonjour la France Inter. Bonjour à tous. Et vous écoutez l'émission qui sonne la récré de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont en profiter pour se barrer du bahut. Daesh est en train de réussir à radicaliser nos sociétés avec l'aide de Donald Trump et de Marine Le Pen qui entretiennent le climat de peur et de haine, extrait d'ailleurs du dernier meeting de Trump. Rentrez chez vous les noirs et les bougnoules. Le solfège décourage-t-il les enfants à jouer d'un instrument? Un rapport remis au gouvernement préconise de commencer par la pratique. Et pourquoi pas chez vous d'ailleurs, à la maison? C'est quoi ça? C'est Bach, non? Non, ça c'est une pub de pâté pour chien. Hein. Après Nikos Aliagas expose à la conciergerie, voici Michel Houellebecq expose au Palais de Tokyo. Le Japon fait savoir qu'il n'est pas associé à ce projet quand même. Voilà. Je suis accompagnée, moi, de celui qui sait apprécier ce que le Japon nous offre de meilleur. Le karaoké, c'est Alex Vizorek. Ainsi que les geishas. Bonjour à tous, autour de la table, l'équipe A autour de la table. 17h20, l'homme dans toute sa splendeur, sensible, amoureux et velu. André Manoukian, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Eh bien aujourd'hui, je vais digresser autour de notre invité, c'est-à-dire que je vais faire des mélismes, je vais faire des arabesques, je vais faire des macams, je vais essayer de pratiquer l'envoûtement sur Clara Dupont-Monod ou sur Charline, je ne sais pas encore. La macam, vous nous direz laquelle c'est. Je vais parler d'Ibrahim Malouf, notre invité. Voilà, qu'on ne cite jamais avant que Charline ait lancé, bien évidemment. Ah, c'est une nouvelle émission, il n'est pas au courant, hein, André. C'est la première fois qu'il vient, donc. 17h30, l'enfant dans toute sa splendeur, jouette énergique et mal intentionnée. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben moi, j'ai rencontré du beau monde ce matin. Ah oui, notamment Arnaud Montebourg. Oh. On a parlé économie et des salauds d'investisseurs qui font quoi? Prennent des entreprises, pressent le citron et jettent la bête. Jettent la bête, hein, le citron est une bête. C'est bien connu. Et 17h40, la femme, dans toute sa splendeur élégante, distante et incapable de repérer où se trouve le bonheur, sachez qu'il est en train de parler de vous. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour Alex. De quoi va-t-on parler? Elle va craquer, elle va craquer. Oui, je sens. D'un roman lié au musée du Quai Branly. C'est sobre, c'est efficace. Avec joie c'est... et enthousiasme. Le référent de la République qui préside cette émission. Ah, mais qui c'est? Il est né. André, on il est... Il est né sous Chafik Ouazzane, le président du Conseil libanais. Comme Ibrahim Malouf, pareil. C'est marrant ça. C'est dingue. Vous entrez au Conservatoire de Paris en 99 quand Tina Arena chante Aller plus haut. Pareil. Qui vous a sûrement motivé d'ailleurs. C'est fou. Vous sortez votre premier album Diaspora en 2007 quand Ségolène Royal rend hommage à la Bravitude des Chinois. Mais attends, mais je connais ce gars. C'est la trompette, là, mec, la trompette. Bon, j'arrête là. Vous avez aussi une victoire dans la musique. Un jour, vous avez reçu une victoire dans la musique, c'était cool. Mais qui vous? Et vous êtes Julio Iglesias. Bonjour tout le monde. Mais c'est qui? Vous voulez, c'est moi qui dois donner mon nom? Mais ouais. Oui. Ah bah, je m'appelle Ibrahim Malouf. Ah, c'est sûr, je le savais. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Ibrahim Malouf, qui sera au Francophonie de La Rochelle le 15 juillet, où ça va être votre fête, Ibrahim, parce que le Festival de La Rochelle vous offre une carte blanche. Exactement. Donc, je fais ce que je veux avec mes cheveux. En l'occurrence, j'en ai pas beaucoup. Mais... si, vous en avez plein. Au contraire, ils sont coupés courts, mais vous en avez plein. La carte blanche, qu'est-ce que vous voulez en faire alors ? Mais c'est génial que des festivals comme ça proposent des moments d'ouverture, de création complètement libres et spontanés comme ça. Donc, étant donné que je viens du jazz, quand même pas mal, j'aime ces moments assez libres. Donc, j'invite des artistes très, très, très différents à me rejoindre sur scène. On peut le rappeler. J'adore l'accordéon. Ah ouais, non, c'est pour ça. Mais par contre, j'ai pas invité d'accordéoniste. Mais par contre, non, voilà, c'est des moments chouettes de partage, d'improvisation. Donc, Oui, et quand on joue du jazz, on fait appel à beaucoup de gens parce que vous jouez, j'imagine, vous collaborez avec plein de gens. Donc faire le tri, il y aura qui par exemple ? Est-ce qu'on peut savoir ? Ben non, c'est des surprises. Il y a que des surprises. J'aurais essayé. C'est des surprises, mais c'est surtout c'est une opportunité d'essayer d'ouvrir Et c'est dans la musique, je sais que tout à l'heure vous l'avez dit en annonçant l'émission, on allait parler de solfège, mm-hmm. etc. Il y a quand même beaucoup de boîtes dans lesquelles on met les artistes. Alors il y a la boîte chanson française, la boîte jazz, la boîte musique instrumentale, la boîte ceci, etc. Moi, je passe mon temps à essayer de détruire, de défoncer les murs entre ces boîtes parce que ça, je trouve ça dommage de fonctionner comme ça artistiquement. Donc vous allez défoncer les murs de La Rochelle le 15 juillet. Ouais, on va essayer de faire ça avec délicatesse. Mais enfin, l'idée, c'est de faire se rencontrer, se croiser des artistes qui, a priori, n'étaient pas faits pour se croiser dans le système actuel. Et c'est tout l'avantage des festivals. D'ailleurs, vous aimez tellement les festivals que vous en avez créé un. Oui. À Étampes. Oh, ça fait plaisir de parler de ça. Mais voilà, la première édition s'est déroulée il n'y a pas longtemps. Il y a quelques jours, en effet. Et c'est essayer de défendre une certaine idée du jazz. Voilà, sans prétention, c'est pour l'instant un tout petit festival dans la ville d'Étampes et la mairie nous soutient un peu, donc on va essayer de produire quelque chose de beau pour l'année prochaine. Et mois de juin, de l'année prochaine. Exactement, les 3 et 4 juin de l'année prochaine. Dans on a compris que s'ils pouvaient donner un peu plus, on envoie ce message. Hein. Voilà, il faut toujours envoyer des messages. On dit bonjour à la mairie d'Étampes et à tous les gens qui nous écoutent. Nous, on ira voir Ibrahim Malouf, s'il y a des sous. Mais cette année, on a essayé de faire quelque chose d'assez drôle, parce que j'ai invité une fanfare balkanique qui s'appelle Aïdouti, avec qui j'ai travaillé sur pas mal de projets, notamment sur la musique du film La Vache de Mohamed. Oui. À midi. Mm-hmm. Et puis il y avait Baptiste Trottignon, un grand pianiste de jazz qui est également joue de la musique classique, qui est venu faire. Donc voilà, on essaie de balayer comme ça dans une image du jazz qui est très ouverte, très qui est à l'image de ce que j'aime moi dans le jazz. Voilà. Et André Manoukian ne vous contredira pas, le jazz c'est très ouvert. Ben évidemment, et surtout le boulot que fait Ibrahim, c'est que le jazz est très ouvert. Jean-Sébastien Bach, pour moi, c'est le plus grand des jazzmen. Mm-hmm. Les classiques étaient tous des jazzmen, ils improvisaient tous. C'est au 19e qu'on a cessé d'enseigner l'improvisation dans les conservatoires. Mais le boulot que fait Ibrahim, là où c'est fabuleux, c'est quand il fait ses cours d'improvisation avec avec un public d'une centaine de personnes. Il a fait au 104 cette année à Paris et à Radio France. Tout d'un coup, il redonne la liberté aux gens de se saisir de la musique et de faire un truc fondamental qu'on fait pas assez, ça s'appelle jouer de la musique. Il y a un aspect ludique, on va parler du solfège tout à l'heure, oui. Mais en tout cas le boulot que fait Ibrahim, c'est assez fabuleux de vouloir non seulement ouvrir les portes mais rendre cette musique accessible. Et là où il y a une prouesse aussi, c'est que avec votre trompette, vous allez remplir Bercy, alors, c'est ça ? Alors on dit Bercy parce que, oui, vous savez, c'est tut, c'est une grande... Hôtel Arena. Oui, c'est ça, voilà. Mais nous, on aime dire Bercy, on aime dire Bercy. À la fin de l'année, ce sera le 16 décembre. 14 décembre. Ah, le 14 décembre. Vous n'avez pas le 16, hein, vous n'avez pas le 16. Déçu, hein. C'est Laurie. Attention, hein. C'est la boulette. Voilà, c'est-à-dire que vous hissez la trompette dans la... quasiment la star pop, quoi, parce que c'est là où il y a Dorothée, Mylène Farmer aussi. Ce qui est chouette, c'est que d'abord, en fait, moi, je ne suis pas le premier à avoir fait ça, parce que justement, Miles Davis s'était passé à Bercy en 84. Mm-hmm. Et je ne suis pas le premier à faire ça. Mais par contre, c'est vrai que c'est chouette parce que ça va être une gigantesque fiesta pour fêter mes 10 ans de tournée. Donc, j'invite pas mal de gens qui ont compté dans ces 10 années de live. Le maire des Tempes. Bienvenue. Et donc Ibrahim Malouf va aussi casser les murs pour ouvrir à tout le monde. Donc du accord, je sais pas quoi, mais c'est Bercy, hein, vous savez, c'est de toute façon. Ouais, le 14 décembre. Ouais, on voulait la salle la plus ambitieuse possible pour fêter ça avec le plus de monde possible. Musique toujours, avec Vince Taylor, Brand New Cadillac. Vous êtes sur France Inter, nous sommes avec Ibrahim Malouf. On va parler solfège, on va parler Welbeck et Daesh. Et oui, il y a un peu de tout. C'est le monde contemporain. Transition c'est sympa. Le monde contemporain, c'est comme ça. France Inter, en compagnie d'Ibrahim Malouf et autour de la table Alex. Eh bien tout le monde, il y a André Manoukian, il y a Guillaume Meurice et Clara Dupont-Mono, le meilleur pour la fin. Et puisqu'il est 17h20, il est presque 17h17. Ben oui, donc c'est l'information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Manifestation contre la loi travail. La Bastille est sécurisée comme une fan zone avec des opérations de pré-filtrage, de multiples contrôles policiers et un périmètre sécurisé. Voilà, près de deux siècles après sa prise, la Bastille est donc à nouveau une prison. Une manifestation qui s'est déroulée sur un parcours en forme de boucle. Ça pose un problème ? Disons que pour les compter, c'est emmerdant parce que s'il passe deux, trois fois. Ah, bah oui. Et des brèves. Ah bah oui, parce que les brèves, ça tourne jamais en rond, évidemment. Et commençons donc par cette fameuse manifestation contre la loi travail. Oui, Guillaume. Guillaume, vous êtes sur place, mais où exactement? Oui, là, autour du bassin, quoi. Hein. Mmh ouais, mais comment ça se passe en tête du cortège? Ah, alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas où est la tête. Enfin, en tout cas, elle est tout près de la queue. Vous le sentez venir, le jeu de mots salaces? Voilà, alors, on peut parler de manif cunis. Hein, voilà. Après mai 68, voilà, juin 69, Charline. Oui. Je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. Très bien. Merci, Guillaume. Passons à la politique. Oui, la Chambre régionale des comptes épingle les rémunérations des proches de Patrick Balkany à Levallois-Perret. Il faut quand même lui reconnaître une chose, ça, Patrick Balkany a fait beaucoup pour le pouvoir d'achat. Hein, Front National, le Parlement européen réclame 320 000 euros à Jean-Marie Le Pen pour avoir employé aux frais de l'Union européenne un assistant parlementaire dont il ne peut pas fournir la preuve du travail. Quand même pour une fois que Jean-Marie Le Pen rendait service à un travailleur clandestin. C'est toujours amusant quand Jean-Marie Le Pen est épinglé pour travail au noir. Charline, étant de... Je crois retournons sur le terrain. Oui, on retrouve Guillaume en direct du défilé autour du bassin de l'Arsenal. Alors, attendez, non, pas tout de suite. Alors là, le cortège a démarré, mais tout le monde ne s'est pas mis d'accord sur le sens dans lequel tourner. Alors, attendez, oh là là, alors attendez, ça part en chenille. Bon, je vous laisse. Et on reviendra. Alors, passons donc à cette décision des députés en France. Oui, ils renoncent à la surtaxation de l'huile de palme. Alors ça, c'est un coup du lobby des hommes grenouilles. Ah, rapport aux palmes. Oui, il y a la police n'a pas fait de préfiltrage. Voilà, victoire de la Belgique. Oui, et le plaisir des victoires belges, c'est les interviews des joueurs de foot belges après match. Alors on dit souvent que les Flamands parlent pas bien le français. Eh ben c'est faux. Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Voilà, voilà, voilà, Kevin De Bruyne, hein, c'est notre meilleur joueur. Alors en France, on en aurait parlé pendant 4 jours dans l'équipe. Et nous, en Belgique, en fait... Je m'en bats les couilles. Voilà. attends, parce qu'on retrouve Guillaume à la manif tournante. Ça tourne, là, ça tourne. Ouais. Et ça chauffe énormément. Des casseurs sont en train de démonter une péniche, figurez-vous. Ils sont donc assez cons pour se foutre à l'eau tout seul. Est-ce que, Guillaume, vous avez pu parler à quelques manifestants? Tout à fait, Charline. J'ai croisé notamment Jean-Michel. Je l'ai même croisé 3 fois en 2 heures, hein, parce que je vous rappelle qu'il tourne. À la 4e fois où il passe devant moi, je serai en mesure d'achever l'interview. Oui, merci Guillaume. Ça fait plaisir. Allez, 2 brèves de qualité. Du très lourd aujourd'hui. Un octogénaire sourd opéré par erreur d'un œil. Il avait répondu à tort à l'appel d'un nom qui n'était pas le sien, après avoir ôté ses appareils auditifs. Et heureusement que le chirurgien avait gardé ses lunettes, sinon il l'opérait des amygdales. Évidemment. Et la dernière, elle est bien aussi. Rennes, il agresse un gendarme et s'empale les testicules sur un portail. Ah, et Alex, vous savez pourquoi? Je m'en parle les couilles. Ah, voilà. Allez, un petit cadeau pour terminer. Hier, l'Islande a gagné à l'Euro et s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les 8e de finale. Alors, on croit que ces gens sont froids. Eh bien, écoutez le commentaire du but victorieux de l'Islande. Il est en train d'accoucher. C'est pas fallu. Et je vous le coupe parce que ça dure bien 30 secondes. Poyotin, hein, qui veut dire, donc je suis très très content en islandais. C'est la fin de l'information sur France Inter. Place à la désinformation maintenant avec notre invité Ibrahim Malouf. Et d'ailleurs, vous allez aussi inaugurer le festival jazz à Vienne, dont Radio France est partenaire. Et le mardi 28 juin, vous allez jouer avec la maîtrise de Radio France. Oui, exactement. C'est dur de parler après avoir rigolé autant. J'ai mal aux muscles de tes joues. Ah, pourtant, les muscles autour de la bouche, Ibrahim, ils doivent être costauds. Ouais, mais ils sont bien, bien, comment on dit là, tu sais, quand endoloris. Ouais, endoloris. alors, on va faire un tout premier concert dans la journée du 28, le matin, avec les jeunes de la maîtrise de Radio France et également des élèves de la région qui vont venir. Et devant 6-7 000 enfants, on va faire un concert éducatif où je vais leur apprendre à improviser justement. Mais ça nous changera des visites de Marine Le Pen à Vienne, ça c'est. Avec vous, Ibrahim Malouf, justement, on va parler de cette une du Courrier international. Comment Daesh radicalise nos sociétés où la peur pousse les gens à soutenir des positions politiques extrêmes. Amoché, humilié, les hommes tendent. J'aurais dû rester chez moi. La reine Daesh, un monde de givré. La parodie de la reine des neiges par les guignols. Ibrahim Malouf, je pense qu'il faut aussi en partie en rire pour soulager un peu les choses, non? On devait pas parler de solfège. Si vous voulez, on peut en parler un peu sérieusement d'abord. D'abord, il y a le site d'information en ligne anglais Spiked qui est relayé dans le Courrier international qui est paru ce matin, qui explique la récupération politique de l'attentat d'Orlando par la droite, par la gauche et par le mouvement gay est révélatrice d'un profond manque de solidarité humaine qui nous rend encore plus vulnérables face à Daesh. Est-ce que vous, à votre niveau, Ibrahim Malouf, vous faites aussi un petit peu le constat que, en tout cas dans le monde occidental, le terrorisme finit par plus nous diviser que de nous rassembler. Est-ce que vous arrivez à palper ça un petit peu dans l'entourage ou dans vos différents voyages ou... Je pense que ça dépend des a priori que les gens ont au départ. Quand tu as un a priori... Je dis souvent qu'on découvre les gens au moment où il y a des problèmes. Tu sais, tout le monde est super, puis le jour où il y a un problème... La circonstance fait l'homme. Voilà, la circonstance fait l'homme. Et on a tous des a priori. Voilà, sur les uns, sur les autres, sur les religions, sur les croyances, sur les trompettistes. Ouais. Sur les trompettistes, il y en a quelques-uns aussi. Et puis là, ben, hop, drame, énorme drame régulièrement. Puis j'ai cru comprendre qu'en Allemagne, il y a eu un souci. Donc voilà, ce sont des drames. Il y aura un homme retranché dans un cinéma, effectivement. Et où les gens se révèlent à ce moment-là. Alors vous avez ceux qui avaient des a priori un peu plus, on va dire, un peu plus installés dans leur inconscient, dans leur conscient, je ne sais pas. Et puis qui vont peut-être avoir une réaction X ou Y. Et puis d'autres a priori qui vont avoir une autre réaction. Puis évidemment, Les tensions montent. En fonction des différentes réactions, il y a la réaction de peur, dont joue aussi du coup des Donald Trump ou des Marine Le Pen qui récupèrent tout ça et qui l'amplifient. Finalement, Donald Trump, il est aussi dangereux que Daesh en récupérant ses peurs et en jouant dessus. Démerdez-vous. De toute façon, d'ici là qu'il nous attaque en justice, le Donald, moi je l'attends. Capillairement, je veux dire, d'abord. Et par rapport aussi au Liban, vous gardez des liens très étroits. Est-ce que là aussi, parce que nous, dans le monde occidental, alors ça dépend où on vit, mais on est confronté plus récemment à ça qu'au Liban, par exemple. Est-ce que vous remarquez qu'il y a une différence de réception, d'a priori ou pas ? Oui, les gens cohabitent très difficilement et ont énormément de... Il y a une très très forte radicalisation dans le peuple, au sein du peuple libanais. Mm-hmm. Les gens sont extrêmement militants par famille, par tribu, par connivence, par voilà. Je pense que le Liban n'est pas un exemple. J'aime beaucoup le Liban, mais sur cet aspect-là, j'espère qu'on ne sera jamais, qu'on ne va pas copier sur. Enfin, on dit souvent le Liban c'est un exemple de cohabitation des différences culturelles, etc. Mais c'est complètement faux. C'est pas vrai du tout. Le Liban c'est un pays qui catalyse justement. L'exemple même de ce que peuvent être les radicalisations idéologiques. Et voilà, j'espère que les Libanais ne m'en voudront pas de dire ça, mais c'est quand même... André Manoukian. Sauf que c'est le seul pays qui accueille c'est le seul pays arabe qui accueille les réfugiés syriens. Les réfugiés syriens sont interdits de Bahreïn, sont interdits d'aller dans tous les pays d'Arabie Saoudite. Là, les frontières sont fermées. C'est L'Égypte en accueille quelques-uns, mais c'est un des rares pays arabes. La Jordanie en a beaucoup. Le Liban, c'est un pays qui est à genoux depuis très longtemps et qui tient, ça tient du miracle, et qui malgré les 16 années de guerre civile, malgré depuis la fin de la guerre civile, l'occupation syrienne, israélienne, qui maintenant évidemment c'est terminé, mais malgré les différents drames qui régulièrement arrivent au Liban, les attentats très très réguliers tous les ans, les assassinats politiques, les assassinats idéologiques, etc. Mais on ne sait pas comment le pays tient encore, à genoux, mais il tient. Il n'est pas encore à terre complètement. Et là, c'est vrai que la crise des réfugiés, on se disait, enfin moi, beaucoup de gens dans mon entourage, amis, famille, etc., on se disait, mais est-ce que le Liban va tenir, malgré en effet une population réfugiée énormissime par rapport à la taille du pays. Et puis, en fait, le pays est encore à genoux, mais n'est toujours pas vraiment tombé. Donc voilà, ça tient du miracle. Je vous renvoie donc au dossier du Courrier international, hein, « Comment Daesh radicalise nos sociétés ?» Parce que ça, malheureusement, il y parvient. André Manoukian. Eh ben, écoutez, l'histoire... Avec la musique, on peut faire des choses. Mais oui. Plus se rassembler. En fait, l'histoire nous enseigne essentiellement les guerres et les affrontements. Mais jamais les histoires d'amour entre les pays. Ainsi, le clivage... entre l'Orient et l'Occident, aujourd'hui plus que jamais creusé par Daesh, Trump et compagnie, nous renvoie à quoi ces vieilles histoires de croisades ? Plus d'un millénaire et on ne s'en sort pas. Godefroy de Bouillon et Donald Trump, même combat. Mais non, le pétrole de l'époque, c'était la soie, les épices. On allait certes délivrer le tombeau du Christ, mais surtout, on allait s'en mettre plein les poches. Ibrahim, vous êtes dans un observatoire idéal pour juger de cette période. Non que vous nous faites voyager dans le temps avec votre trompette magique, mais un des ouvrages majeurs sur les croisades, c'est votre tonton qui l'a écrit, Amin Malouf de l'Académie française. Ça s'appelle « Les croisades vues par les Arabes ». C'est un ouvrage édifiant que je vous recommande chaudement, écrit en 1983, dans lequel on apprend que les Francs pouvaient être à leur tour de sacrés barbares. Raoul de Caen, chroniqueur de l'époque, rapporte par exemple qu'au siège de Mahara, en Syrie, sur la route d'Alep, déjà le 13 janvier 1099, les croisés, après avoir passé toute la population au fil de l'épée, firent bouillir les adultes dans les marmites pour les manger. Quant aux enfants, ils les embauchaient pour les dévorer grillés. Oui, comme quoi, repas, l'histoire, Guillaume Meurice, oui, c'est une question de point de vue. Alors, où se placer dans le paysage pour avoir une vision nette ? Nulle part. Parce qu'un paysage n'est qu'un écran sur lequel chacun projette son film. Avec l'œil, on n'arrive pas à se faire une représentation juste des choses. Avec les oreilles, Charline, c'est pas pareil. Je vous dis pas ça seulement, Charline, parce que l'oreille est une zone érogène majeure. Pas non plus parce que je suis un peu comme ces femmes à qui il faut parler pendant l'acte parce qu'elles bandent avec leurs oreilles. Je vous dis ça parce que la musique est une transmission émotionnelle qui ne passe pas par le filtre de la raison. Un ressenti qui ne passe pas par les mots. Un langage qui n'en est pas un. et qui pourtant dit bien plus qu'un discours. Revenons à Lorient. André, vous vous rappelez qu'en ancien français, pour dire je t'aime, on disait je t'entends. Ah, vous vous souvenez ? C'est resté dans notre expression quand on dit deux personnes qui s'entendent bien ou s'entendent pas. On pensait que Louis était un sentiment. C'est exactement ça. Clara, nous vibrons ensemble sur la même vibration, sur cette son fabuleux d'Ibrahim. Nos Templiers, qui faisaient office de banquiers, de relais hôteliers, de services d'ordre sur la route de Jérusalem, ramenèrent non seulement la myrrhe, le benjoin et le lait de chamel pour leurs épouses craspec dont les ceintures de chasteté ne devaient pas sentir la rose, mais ils ramenèrent aussi la médecine d'Avicenne et les secrets... Dès qu'il dit chasteté, il a du mal après. Et les secrets d'architecture que les Arabes détenaient des Égyptiens avec lesquels on a pu édifier nos splendides cathédrales gothiques. Khéops, Notre-Dame de Paris, même combat. Et la musique, eh ben pareil. Le violon vient du rebec arabe, la guitare vient de l'oud, le piano du canoun Mozart. Et Beethoven ont découvert les percussions en entendant les janissaires, ce corps d'élite de l'armée turque qui chargeait au son des cymbales et des timbales, dont nos compositeurs viennois s'emparèrent immédiatement pour donner du corps à nos orchestres symphoniques. Quant au rythme, leur combinaison était bien plus riche que les nôtres. En gros, en Occident, on tourne sur les trois temps de la valse ou les quatre temps du quadrille. Les rythmes qu'on appelle à la tourka sont des raffinements de combinaisons de 5 temps, de 7 temps, de 9, de 11, de 13, jusqu'à 21 temps dans une mesure. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un Pierre Boulez pour diriger ça. Les musiciens d'Orient le ressentent et peuvent improviser pendant des heures en maniant ces combinaisons complexes avec un naturel désarmant. Comme vous. Il suffit de décomposer 5 temps. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, allez-y Clara, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, elle groove pas Clara, mince. Mais c'est à l'intérieur. 7 temps, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, ah voilà, là elle commence à danser. 9 temps, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ça va jusqu'à combien ? 21, tout ce que vous voulez. Quant au mode, nous en avons deux, alors qu'ils en ont une cinquantaine qu'on appelle des macams. Alors oui, l'Orient est compliqué, mais pas plus que les combinaisons de nos neurones. Et si c'était ça la vraie sagesse, comme le disait le rabbi Naaman de Bratslav, ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu pourrais ne pas t'égarer. Alors égarons-nous et sortons de nos corps en écoutant la trompette d'Ibrahim avec son quatrième piston magique. My Malouf, l'extrait de votre album Tribute to Oum Kalthoum. J'ai appelé l'album Kalthoum. Kalthoum. Hein. Vos deux albums sont sortis en septembre, Red and Black Light et Kalthoum. Sont disponibles toujours évidemment et puis on peut vous voir Ibrahim Malouf au Franco de La Rochelle pour une carte blanche le 15 juillet ou le 14 décembre à Tut Bercy. Ibrahim Malouf est avec nous, vous pouvez réécouter la chronique d'André Manoukian, l'ode à Ibrahim Malouf sur franceinter.fr. André, on vous retrouve d'ailleurs ce soir chez Laurent Goumard, vous parlerez des victoires du jazz. Exactement, mais franchement Charline, ce son de trompette, ça vous fait pas bander des oreilles? Mais complètement, bien sûr, évidemment. Merci. Et c'est là tout le succès d'Ibrahim Malouf qui va réussir à remplir le Tut Bercy le 14 décembre grâce à ça. Alors, bandons aussi avec Guillaume Meurice. Ah, j'aime bien ce lancement. Ah, il est super ce lancement. Oh, bah, il est très travaillé, il est fin, il se mange sans faim. Allez-y. Alors moi, je me suis rendu ce matin au colloque de l'Institut Montaigne. C'est un think tank, hein, comme on dit, donc c'est un laboratoire d'idées et s'essuie principalement de la droite. Autant dire qu'il y a autant de rapports avec Montaigne que Nietzsche avec le twirling bâton. Mais bon, allons-y quand même. Ce matin, on y parlait pognon, croissance, investissement, tout ça. Bon, ça, c'est pas une grosse surprise. Ils avaient donc loué une salle sur la prestigieuse avenue Georges V, à deux pas des Champs-Élysées. Et je me suis d'abord entretenu avec le propriétaire de la salle. Vous louez cher une salle comme ça ? Non, c'est pas une histoire de prix, c'est vraiment une histoire de contenance, de qualité, de prestation. On loue un savoir-faire. Oui, non, mais au niveau du prix. Oui, le prix, c'est pas très important. Ah, si, si. Non, on n'est pas là-dessus. Non, c'est pas important, parce que ça dépend de la capacité. Donc, Oui, mais moi, je cherche une salle pour le mariage de mon beau-frère. Oui, on fait pratiquement pas de prestations privées. Ah bah non, hein, parce que l'Institut Montaigne, c'est une société publique, bien sûr. Hein. Prends-moi pour une truffe, enfin, pour des pâtes aux truffes. Hein. On est à l'Institut Montaigne, je vous le rappelle. Tiens, d'ailleurs, il était là, le directeur de l'Institut, Laurent Bigorgne. Ce débat économique, on peut pas le faire dans quoi ? On peut pas le faire dans l'entre-soi, c'est-à-dire qu'il faut faire avec des gens de gauche, de droite. Alors là, il y a quand même plus de gens de droite, hein, quand même, ce matin. Moi, je pense qu'il y a Emmanuel Macron qui est membre d'un gouvernement de gauche. Hein. Ah, mais il se dit lui-même pas à gauche. Il y a François Fillon et Éric Woerth. Voilà, des vrais gauchistes, hein, de la graine de Bolcho. Des mecs qui ont des mocassins à gland siglés Che Guevara. Hein, c'est des fous furieux, les mecs. Alors, il n'y avait pas des masses d'ouvriers hein, ce matin, on ne va pas se mentir. C'est dommage parce que ce sont eux qui sont en première ligne pour créer la fameuse croissance. Alors, il n'y avait même pas la CGT, FO, ni même la CFDT, hein, c'est pour dire. Ben alors, monsieur Bigorgne. On n'a pas invité syndicalistes, c'est vrai. Il y a des syndicalistes, hein. Il y a des membres du MEDEF. C'est pas des syndicalistes. Ah, c'est un syndical, MEDEF. Oui, c'est une organisation patronale, ça n'a rien à voir. Ah bon, alors, ce soit assez différent, ça d'accord, mais le MEDEF se considère lui-même comme un syndicat. Bon alors, pour la gauche, on n'y est pas encore, mais on y vient, car était convié également ce matin Philippe Poutou. Ah. Non, évidemment, je déconne, bien sûr que non. Était convié, vous avez cru quand même. J'ai cru un instant, oui. Non. Était convié pour la gauche Arnaud Montebourg. Ah, oui, voilà. Ah, oui, connu pour son fait principal de gauche, avoir apporté des pains aux raisins à des grévistes. Hein. Donc, le Léon Blum de la viennoiserie était là. Et Arnaud, il a défendu le capitalisme familial. Parce que c'est un capitalisme comment, Arnaud ? C'est un capitalisme protecteur. Donc je crois qu'il faut revenir maintenant à la modération. Est-ce que la famille Mullier, par exemple, c'est un exemple de capitalisme familial ? Je ne donnerai pas de nom. Hein, moi, je vous pose une question. Mais je ne peux pas toujours répondre à vos questions. Ça, c'est dommage. Même les plus impertinentes. Parce que elle est impertinente, celle-là ? Non, mais c'est surtout que je ne pourrais pas vous répondre. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas suffisamment. Et avant de parler de quelque chose, il vaut mieux connaître. Alors, je peux vous informer, moi ? Non, mais je ne connais pas suffisamment. C'est quand même dommage, mais c'est con d'avoir été ministre de l'économie et de pas connaître une des familles les plus puissantes de France. Alors la famille Mullier, hein, donc Arnaud, si tu nous écoutes, c'est Auchan. Voilà, c'est la famille qui fait crever les centres-villes de vos communes, bétonne des terres agricoles pour y construire des hangars à bouffe, exploite caissiers et caissières et se tire tranquillou habiter en Belgique pour pas payer d'impôts. Voilà un bel exemple de ce qu'on appelle donc le capitalisme familial. Mais bon, Arnaud, il était pas au courant, voilà, c'est ballot. Ou alors ma question était impertinente, hein, comme il l'a dit. Alors j'ai posé une question plus pertinente. Vous avez dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Est-ce que là on est à la fin de la foire ? Si, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit. Ah si, vous l'avez dit. Mais quand ? Ah ben, on a même le son. Vous êtes le service public. Qui êtes-vous ? Vous êtes le service public et il est parti là-dessus. Voilà. Alors, bon, Arnaud, il a contribué à foutre en l'air aussi le service public. Je comprends qu'il en ait un peu peur. Voyons si son successeur, Emmanuel Macron, est aussi créatif. J'avais une question toute simple pour lui. Pourquoi on a trouvé du pognon pour sauver les banques et pas pour réduire la précarité ? Mais vous avez trouvé de l'argent public pour sauver les banques en France ? Mais il y en a eu. On a demandé aux contribuables de payer pour ça. Mais le contribuable, il n'y a jamais eu d'argent en capital. Il y a eu des prêts qui ont été faits, qui ont été rémunérés et qui ont rapporté. contribuables. Ah bah merde, on n'était pas au courant de ça, dis donc. Vous avez reçu, vous, le chèque? Parce que je me suis dit, à un moment donné, il n'y a que moi qui n'ai pas reçu le chèque. Là, je me suis fait niquer, d'accord. Non, c'est général. Alors bon, pour être complet, le seul pognon que ces prêts, là, les fameux prêts, ont rapporté, ont servi à, principalement à rembourser la dette de la France, donc Goldman Sachs, hein, donc les banques. Voilà, on connaît tous ce principe, hein, fameux principe d'autofellation. Enfin, les plus souples d'entre nous connaissent. Je sais, moi, j'essaie. Voilà, je savais qu'André allait comprendre. Et il faut être souple, surtout pour entendre Emmanuel Macron se mettre à la place des pauvres. Je pense que quand on est pauvre dans notre pays, on veut rentrer dans le système. Et donc, ce sont plutôt les fermetures du système, la meilleure réponse à la pauvreté, que donner de l'argent. Vous savez, quand vous êtes pauvre, vous voulez vous émanciper, changer de condition, vous voulez progresser, vous voulez changer le monde. Ils veulent aussi s'en sortir et avoir de quoi survivre au jour le jour aussi. Ils veulent s'en sortir, mais c'est pas l'argent public pour s'en sortir. Parce que si on raisonne toujours en disant, vous n'avez pas fait le chèque pour cette catégorie de la population, mais à un moment, vous disloquez la société. Voilà, vous avez compris les pauvres ? Arrêtez de demander de l'argent public pour bouffer ou vous soigner, vous disloquez la société. Hein, vous n'êtes pas raisonnable, les pauvres. Vous disloquez, vous gaspillez. Tiens, bon, à propos de gaspiller, la question que toute la France se pose à propos de Macron. Combien coûte votre costard ? Non, non. Alors, là-dessus, il y a beaucoup de bêtises qui ont été faites. Ah, voilà. J'aurais aimé que vos collègues, vous-même, vous posiez sur ce sujet les vraies questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, mais c'est pas ma question. Non, mais je vais répondre à votre question. C'est trop facile de toujours poser les choses. Il faut prendre les choses dans leur ensemble. Les journalistes, sur ce sujet, n'ont pas fait leur travail. Et mon costume, il ne coûte pas 3 000 euros, il coûte 400 euros. Eh ben voilà, on le sait, un RSA, le costume à Manu. Alors, je ne suis pas spécialiste vestimentaire, hein, ça se voit un petit peu tous les jours. Alors voilà, je laisse les connaisseurs débattre de la véracité du prix du dit costume. Quant à ceux que j'ai croisés ce matin et qui semblent bien bien coupés de la réalité du monde, je tiens à leur rappeler que, comme disait Montaigne, sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Guillaume Meurice, merci, vous êtes sur France Inter. J'adore la tête sinistre de Clara. Clara Dumondo est atterrée. C'était l'AVC. C'était l'AVC, il y a eu un moment de fou. Mais écoutez, restez avec Clara. Je savais pas, pour être crédible, il faut être mal sapé. Ça c'est... Ah bon, moi je pensais que c'était pour ça que vous vous sapiez mal. Là. Non, d'accord, en fait, c'est pas de volonté. Heureusement, il y a avec nous Ibrahim Malouf. Et on va se retourner vers lui pour le deuxième sujet. Le journal La Croix pose cette question. Le solfège est-il un frein au désir de pratiquer la musique ? Oui ! Alors des fois... Je tiens à préciser que c'est André Manouf. Des fois, comme frein au désir de musique, il n'y a pas que le solfège. Il faut savoir être à l'écoute. Aujourd'hui, nous avons travaillé une chose facile, des Zonen Artist, qui est un luxe de Schubert. Et demain, nous travaillerons les Beatles. Les Beatles. Les Beatles. Didier Bourdon, très connu. Alors, c'est un débat dans La Croix aujourd'hui. 2 années de solfège obligatoire avant de pouvoir toucher à un instrument. Est-ce que c'est une méthode qui doit être remise en question, selon vous ? Alors, ce sujet-là en particulier, moi, me passionne. On pourrait faire presque une émission entière là-dessus. Donc, faites attention aux questions que vous me posez. Vous risquez que je puisse hold-upper l'émission. Je rappelle que c'est Didier Lockwood, non, j'ai le pas canoniste Didier Lockwood, qui a remis un rapport au Premier ministre. Donc, vu que c'est Valls qui s'en occupe, l'interdiction du solfège n'est pas loin. Mais il y a un rapport qui est donc remis, et là, Didier Lockwood est pour qu'on pratique d'abord avant de faire du solfège. Mais c'est sûr qu'on est allé dans l'autre extrême pendant très longtemps, qui était d'interdire aux enfants de faire de la musique s'ils n'étaient pas au solfège avant. Ce qui est juste ridicule. Faudrait pas aller dans l'autre extrême, parce que l'autre extrême est mauvais aussi. C'est-à-dire, si on fait que jouer tout le temps, il n'y aura pas vraiment d'école qui se soit créée à partir de bases solides. Donc, idéalement, il aurait fallu qu'il y ait les deux, et la pratique et le jeu à travers deux simultanément. Ouais, il aurait fallu dès le départ faire les deux. Sauf que je ne sais pas pourquoi, pendant longtemps, dans les conservatoires, dans les écoles, on a privilégié cette école-là pour des soucis d'efficacité. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, mais je ne suis pas bien placé. J'ai une question, parce que j'ai commencé, comme beaucoup d'entre vous peut-être, par le solfège. Et moi, j'aurais été incapable de pratiquer la musique sans d'abord apprendre à lire une partition. Est-ce qu'on fait sans apprendre à lire C'est simple, on peut tout à fait apprendre les bases de la musique à travers autre chose que la lecture. Là, tout simplement, la pratique. Didier Lockwood dit, dans la papier que vous citez, Charline, l'enfant se demande plutôt comment s'écrit ce que j'ai tant de plaisir à jouer, et non plus comment vais-je pouvoir jouer ce que j'ai tant de mal à lire. Et voilà. Oui, c'est pas faux. Je pense que Didier Lockwood a tout à fait raison de mettre le doigt sur le rapport qu'il y a entre la lecture et l'écoute. Pourquoi ? Parce qu'on a développé des écoles et des conservatoires où la virtuosité, c'était celle du jeu et de la lecture. Or, il y a une virtuosité qui est celle de l'oreille qu'on ne développe absolument pas. Et cette virtuosité-là se travaille, notamment, ben moi, de mon côté, moi, je milite pour l'improvisation. Donc, j'ai créé une classe d'impro au Pôle supérieur de Paris-Boulogne et au conservatoire rayonnement régional de Paris, justement pour essayer de faire en sorte que tous ces musiciens qui vont devenir de très grands professionnels de la musique classique réapprennent autrement à jouer de leur instrument, c'est-à-dire non pas avec un chef d'orchestre qui leur batte la mesure ou qui leur donne les départs, etc., et avec une partition à lire et qu'ils exécutent, mais en choisissant eux-mêmes les notes qu'ils ont envie d'inventer. Et ça permet d'apprendre le solfège aussi. C'est quoi le solfège, c'est les bases. De faire confiance à son intuition et à son développer son propre style. Exactement. Si je parle par exemple, je donne juste un exemple et après je laisse peut-être la. Peut-être non, après c'est mon tour dire, mais... de la clinique. Allez-y, Brahim. Mais un exemple simple qui je pense va parler à tout le monde. Le principe du métronome. Les musiciens classiques dans les conservatoires, on leur apprend tout le temps. Là, je suis sûr que derrière les postes de radio, il y a beaucoup de parents qui disent à leurs enfants « Mets le métronome pour travailler ta partition, etc. » Mais le métronome, c'est peut-être le truc le plus dangereux qui existe. Pourquoi ? Parce qu'on oblige les enfants à jouer sur un rythme. Ensuite, après ça, quelques années plus tard, la transition, c'est le chef d'orchestre qui bat le rythme. En fait, en gros, on n'a jamais demandé à l'enfant d'avoir du rythme lui tout seul, par lui-même. Mmh. Donc, comment on veut qu'il ait une autonomie et qu'il groove ensuite ? Donc, on a toute une partie des musiciens qui font de la musique classique qui n'ont pas d'autonomie en termes de rythme. Et donc, dès qu'on leur demande de groover, de swinger, etc., ben, ils vont avoir beaucoup plus de mal. Et on voit le résultat des cours de solfège dans les salles de spectacle où les Français battent la mesure n'importe comment. Sur le temps, oui, exactement. C'est vrai. Ouais. Clara Dupont-Monod. Charline Vanhoenacker. Allez-y. Quelle est l'actualité ? Oui, l'actualité, chers viseurs, comme vous piaffez de le savoir. C'est aussi un anniversaire. Le 20 juin 2006, le jour où un prénommé Jacques Chirac a inauguré le musée du Quai Branly. Je crois que vous le portez un petit peu dans votre cœur, ce musée Ibrahim Malouf, et il vous ferait perdre la tête parce qu'il abrite une monumentale réserve d'instruments de musique. Il y en a 9000 en tout, ils sont réunis dans une tour de 24 mètres de haut, et c'est une des rares réserves au monde à l'œil nu. C'est-à-dire que les instruments sont exposés, et ils sont depuis le sous-sol jusqu'au cinquième étage de la tour. Et parmi eux, je me suis renseignée, il y a des trompettes. Oui, mais oui. On trouve un olifant africain, qui est une défense sculptée, une trompette du Vietnam du 19e siècle en laiton. Oui, monsieur Malouf, mais oui, c'est la vérité. J'ai appelé le musée. Avez-vous des trompettes ? C'est pour Ibrahim Malouf. Quelle question ? M'a-t-on répondu ? Évidemment qu'on a des trompettes. Et embrasser Ibrahim Malouf, pour nous, c'est fait. Alors Ibrahim, j'ai pour vous, justement, un ravissant petit roman qui s'appelle « Les oiseaux de Christophe Colomb » d'Adrien Goetz et c'est paru chez Gallimard. C'est la très jolie histoire d'une petite immigrée espagnole de 13 ans qui s'appelle Alina, qui débarque à Paris et qui, en fait, va réussir sa transplantation en France grâce au musée du Quai Branly. À tous ceux qui doutaient du rôle de la culture dans la construction citoyenne, j'incite forcément à lire ce livre. Alina, elle habite à deux pas du musée. Et qu'est-ce qu'elle voit ? Je cite, « Un navire voguant dans les buissons. Elle voit aussi une prairie qui grimpe sur les façades, c'est le mur végétal, un jardin enfoui, elle voit des chemins de terre. En d'autres termes, son premier contact avec la culture, eh ben, c'est la nature. Elle entre dans le musée comme on entre dans une forêt. Et il se trouve qu'Adrien Goetz connaît le musée par cœur, puisque dans la foulée, on apprend que le personnel, chaque soir, arrose le mur végétal avec leur théière, ce qui reste de thé. On apprend que les fils bleus au bas des murs sont des détecteurs d'eau en cas de crue de la Seine. » Donc il faut bien ça. Et qu'au sous-sol, les réserves sont gardées par un système de surveillance extrêmement sophistiqué, digne de Minority Report. Et d'ailleurs, c'est dans ce sous-sol qu'il va y avoir un vol auquel va être mêlée la petite Alina. Et c'est là qu'on se rend compte que la littérature aime les musées, mais qu'elle les adore. Quel décor choisit Arthur Bernède en 1927 pour y planter un fantôme ? Une gare. Au musée du Louvre. Ah ben non, un musée. Ben voilà, merci de suivre, Guillaume Muris. Excusez-moi. Et ça a donné Belphégor, publié en 1927. Belphégor, c'est le fantôme du Louvre. Et parfois, ça va plus loin. La littérature construit son propre musée. Il existe un romancier turc que vous connaissez peut-être, Manoukian et Orhan Pamuk. Je m'adresse aux gens cultivés ici. Orhan Pamuk qui a écrit Le musée de l'innocence. C'est un livre qui est sorti en France en 2011. Et dans ce livre, il imagine un homme qui collectionne tous les vestiges de son histoire d'amour passée. Donc, il récupère tous les objets que son amoureuse, non seulement a possédé, mais en plus a touché. Donc, j'ai ça en fait. Toutes vos chroniques chez moi. Voilà. Je vous remercie, Alex. Et il les classe, et il les expose, et il les relie, en fait, à un instant. Ce roman a fait tellement l'objet d'un culte. Que... Vous suivez Manoukian? Oui, parce que oui, moi, je suis toutes vos chroniques, alors vous allez me faire les choses. Ce roman a fait l'objet d'un tel culte qu'en 2014, Orhan Pamuk a ouvert à Istanbul un vrai musée qui s'appelle le Musée de l'Innocence, comme le livre, et dans lequel il y a tous les objets du roman. Et ce que je trouve prodigieux, c'est est-ce que vous imaginez chez chacun, même ceux qui nous écoutent, on fait ça avec, on a tous une des grandes histoires d'amour au fond de nous, au moins une. Et bien imaginez qu'on fasse tout ça, on fasse un musée. Le musée de André Manoukian, il ne s'appellerait pas le Musée de l'Innocence déjà, ça c'est impossible. Vous trouvez un 28 000 mètres carrés à Paris déjà. Voilà, c'est ça, le musée du vice. Dans celui de Guillaume Meurice, il n'y aurait que des mégaphones, et chacun correspondrait à une manif avec l'être aimé. Voilà, l'embout encore un peu humide là, de slogans féminins hurlés comme ça avec... L'embout de l'être aimé, voilà. Non mais l'embout du mégaphone, je vous expliquerai, c'est de la grammaire. Quant au musée d'Alex, il ressemblerait un peu à Jardineland avec plein de râteaux. Ce serait très bien. Voilà. Bon, en tout cas, c'est l'idée que le livre peut devenir un lieu. Et d'ailleurs, chez Adrien Goethe, c'est l'inverse, puisque c'est le lieu qui devient livre. Je termine en vous signalant que, au fond, ça n'est pas très étonnant, ce lien finalement entre le livre et le lieu. Puisque un livre, comment ça se passe? Mais on y entre comme dans une maison. C'est un endroit où on va, un livre, où on s'installe. C'est un endroit qu'on s'approprie, on s'y sent bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit quand un livre nous a marqué? On dit « ce livre m'habite ». Eh ben voilà, c'est QFD. En espérant que celui-ci se loge en vous, je vous en donne les références. Les oiseaux de Christophe Colomb, d'Adrien Goethe, est paru chez Gallimard. Merci Clara Dupont-Monod. Justement, en parlant de musée, qu'est-ce qui vous fait rire? Non. Si, il y a un truc qui vous a fait rire à la fin de la chronique. Crevons l'abcès. Ce livre m'habite et là, j'ai senti l'air se figer un peu. Voilà. Vous aussi, chez vous, dans votre voiture, vous avez freiné brusquement. Mais ils ne sont pas puceaux, ceux qui nous écoutent. C'est toute la différence. Bon, justement, on n'aura pas le temps de traiter le troisième sujet, mais attendez, comme on avait un scoop, on va quand même vous faire écouter. Le troisième sujet, c'était Michel Houellebecq, photographe, qui expose justement jusqu'au 11 septembre au Palais de Tokyo. Et après, il paraît qu'il envisagerait de se mettre à la chanson. Et on a le premier single. Yeah. Il a déjà chanté, il a déjà tout fait, mais que n'a-t-il pas fait? Ça manque un peu de trompette. Vous avez cité le chanteur de ce magnifique morceau. Oui, c'est Les Nuls. Non, au départ, c'est Jean-Pierre François, oui, bien qui sûr, une très belle chanson. Ah, oui. Allez, Ibrahim Maalouf, il sait faire plein de choses aussi. Oui, il peut même jouer dans un sketch. Le fameux sketch de fin d'émission. Vous êtes sérieux, hein? C'est comme ça tous les jours. Vous avez le rôle d'Ibrahim Maalouf, donc ça va. Et deux conseillers de l'Elysée souhaiteraient que le gouvernement apprenne à jouer de la trompette. Ils ont pensé à vous pour donner des cours. C'est Charline et Guillaume qui vous reçoivent dans les bureaux. Bon alors, c'est vous le prof de kazoo? De trompette. Oui, ça va, c'est pareil. C'est bon. Presque. Ouais, bon, hey, dites donc, plutôt que de faire le malin, là, vous prévoyez quoi pour l'élève Macron? En tout cas, pas de piano. À cause de son côté prolétaire? Non, comment voulez-vous que je joue du piano en étant en marche? Ah, de l'accordéon, alors. Ce serait la première fois qu'il serait aimable. Pardon. Ah, c'est triste, ce jeu de mots est beaucoup trop triste. Des cours lui feraient le plus grand bien. Oui, pour Bernard Cazeneuve, vous voulez dire, d'accord. Oui. Oui, je sais, des cours de clairon. Peu importe, ne dit-on pas que la musique adoucit les keufs? Ah, mais c'est qu'il est marrant, le Richard Clayderman de la trompette. Et Manuel Valls, alors? C'est vraiment des salauds. Alors là, il a perdu tout sa budget. C'est pas dans le texte. Manuel Valls, alors? Alors là, autant pisser dans un violon. Alors, si je puis me permettre, le violon, c'est plutôt pour Gérard Larcher. Pardon. Mais c'est triste, ces jeux de mots, c'est un peu trop triste. Oui, alors, en tout cas, si on vous a choisi, c'est pour vos compétences en piston. Mais vous croyez qu'il y a du piston dans les hauts postes? Ah, évidemment que non, c'est une légende, bien sûr. C'est surtout beaucoup de cacophonie, non? Oh, si peu. J'ai pourtant l'impression qu'ils ne jouent pas tous la même partition. Ah, c'est parce que vous n'êtes pas un vrai musicos. Oui, écoutez, on vous donnera le 06 de Jean-François Copé. Un super pianiste. Il fait partie du gouvernement. Ah, au point où ça va, c'est pas exclu. En attendant, on fait quoi avec notre bande d'intermittents du pouvoir là? Et si on monte un orchestre? Oh oui, dans les jardins de l'Elysée. Avec Jean-Vincent Placé à la grosse caisse. C'est quand même royal, au tambourin. Oh, François Hollande au pipeau. Pardon. Oh là là, c'est triste, ces jeux de mots, c'est beaucoup trop triste. J'ai l'impression que chez vous, il y a un vrai problème musical et humain. Lequel? Lequel? On va avoir du mal à trouver les chœurs. C'est joli. Oh, c'est beau. Vous avez laissé la phrase poétique. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Ça va pas vous couper des budgets, ça, quand même, Ibrahim Malouf. Mais écoutez, en tout cas, on n'a pas cité les temples, c'est déjà pas mal. Le festival des temples l'année prochaine. Et tiens, André Manoukian, rapidement, votre avis sur le solfège, on en débattait avec Ibrahim Malouf il y a quelques instants. Eh ben c'est, vous savez très bien, Charline, ma position, je suis pour l'oralité, je suis pour. Ah oui, c'est vrai. Contrairement à la le solfège, André, ouais, on a dit. C'est juste. Très bien. Merci. Je n'entendais pas moins de vous. Non, ça valait le coup de préciser. On n'est jamais déçu quand on donne la parole à André. Je rappelle qu'Ibrahim Malouf, on peut toujours se procurer vos albums Red and Black Light et aussi Kaltoum, dont on a entendu un extrait tout à l'heure, bien sûr, qui sont sortis en septembre. Vous serez le 14 décembre à l'Accor Arena, enfin bref, Bercy, vous savez, le 14 décembre. Et puis on pourra vous entendre aussi le 15 juillet où vous avez carte blanche au Francophonie de La Rochelle. Et dans les playlists de France Inter, les jours de grève, ou là, Mingo, droit d'auteur, mon là, ami, ça y va. Ça serait cool qu'on soit en playlist. Ouais, c'est vrai. Bien. Et puis, pour ceux qui ont la chance, de Jazz à Vienne aussi, hein, dont Radio France est partenaire, avec la maîtrise de Radio France. Ibrahim Malouf était avec nous, et puis il y a toute une équipe aussi derrière, à la préparation Nathalie Romero, Sarah Masson, avec Alexia Lacour et la collaboration d'Adèle Le Canu, et puis Benjamin Riquet à la réalisation. Merci à tous les amis, on se retrouve demain, bien sûr. Le mot de la fin à Donald Trump. Rentrez chez vous, les noirs et les bougnoules!